بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، toujours dans باب من تبرك بشجرة وحجر أو غيرهما. Donc le sujet de celui qui recherche la bénédiction d'un arbre, d'une pierre ou d'une autre chose. Encore une fois, on a vu que Tabarruk, dans la parole la plus juste, c'est qu'il est de deux sortes. La fête de recherche et la bénédiction, ça se fait de deux sortes. Soit, comme l'on fait, évidemment, on parle du Tabarruk al-Bida'i, Tabarruk qui contredit l'islam. Soit, comme l'ont fait les Quraysh ou les autres Mushrikin, ou comme le font aujourd'hui, comme on l'a vu, les Quburiyoun. Adorateurs de tombes en donnant quelque chose de l'adoration à un autre qu'Allah Jalla wa'ala pour bénéficier de la bénédiction de cette adoration qui est vouée à un autre qu'Allah. Et deuxièmement, dans le fait de quelque chose qui est de la bid'a, comme on l'a vu, mais qui n'atteint pas, c'est pas une bid'a mukaffira, qui n'atteint pas le kufr et qui fait sortir la personne de l'islam, mais c'est le fait d'adorer, par exemple, parmi les sortes, comme Cheikh l'Islam Taïmé, il l'explique, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal auprès de, ou dans un endroit bien précis, un endroit qui n'est pas stipulé dans la charia comme étant un endroit dans lequel on peut tirer une bénédiction, c'est-à-dire on peut être récompensé par Allah Azza wa Jal de manière plus importante parce qu'on fait l'adoration dans cet endroit, comme c'est le cas pour le masjid al-haram ou la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le masjid al-aqsa ou le masjid comme ça vient dans les hadith, le fait de prier en jama'a dans le masjid, etc. C'est un degré de 20 et quelques fois plus important que le fait de prier seul, ce genre de choses. Ici c'est le fait donc de ici dans notre hadith à nous, dans le hadith de Zat Anwat. Et c'est comme ça que certains ulama, ils ont compris le hadith, le fait d'aller rechercher la bénédiction de cet arbre, c'est-à-dire de désigner un arbre au sujet duquel il n'y a pas de dalil que cet endroit-là, c'est un endroit dans lequel le fait d'adorer Allah Azza wa Jal ont bénéficié d'une bénédiction spéciale. Donc on a vu que dans le hadith de Zat Anwat, les ulama, ils ont divergé sur la compréhension du hadith. Et on a vu que parmi les ulama comme Ibn Taymiyyah ou Shatibi ou l'imam Ibn al-Qayyim, eux ils voient que ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé, ça rentre dans bab al-tashabbuh ou al-mushabaha, le fait de ressembler, avoir une ressemblance aux gens d'avant nous, c'est-à-dire aux mushrikin de Quraysh ou aux juifs ou aux chrétiens. Donc c'est quelque chose qui est de leur ressemblance, quelque chose qui est interdit, haram, mais c'est quelque chose qui n'atteint pas le shirk al-akbar, puisqu'il ne s'agit pas de vouer une adoration à cet arbre-là. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que, comme on va le voir, parmi les ulama, et notamment, c'est la parole majoritaire chez A'immat al-Da'wa al-Najdiya, c'est que eux ils ont vu que ce qu'ont demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça atteint le kufr al-akbar, et que la comparaison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait entre leur parole et la parole de Banu Israël lorsqu'ils ont dit à Moussa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, désignez-nous une divinité comme eux ont une divinité. Eux, ils ont vu que la parole est vraiment semblable dans son ensemble. Mais c'est ce qu'on appelle le teshbih kulli. C'est une comparaison totale. Or, on a vu que les ulama, les anciens, d'ailleurs, on ne trouve pas chez les anciens une telle parole. On ne trouve pas chez les anciens quelqu'un qui a compris le hadith de cette manière-là. Pour les anciens, il s'agit, comme on avait dit, teshbih juz'i. Partiel, c'est une comparaison, mais pas dans l'acte, dans sa globalité, dans sa totalité. Mais ce qui nous intéresse maintenant, puisqu'on sait que, comme on l'a dit à maintes reprises, ce hadith-là, c'est le pilier dans le pilier des gens de la bid'a et de l'égarement dans l'explication, comment dire, dans l'argumentation de l'idée que le mushrik, celui qui commet le shirk, en ne sachant pas que ce qu'il fait c'est du shirk qui contredit le tawhid, il est excusé par son ignorance. On sait que ce hadith-là, c'est la base de leur argumentation. C'est le pilier principal avec d'autres textes, mais on sait que ce hadith-là, il est important dans leur argumentation. Donc déjà, on revient sur le fait que, comme on l'a dit à maintes reprises, le fait que les ulama aient compris ce hadith-là ou ce texte-là de plusieurs manières, de manière différente, on sait que ça rentre dans ce qu'Allah Jalla wa il a appelé lui-même al-mutashabih, ou ce qu'on appelle aussi al-muhtamil. C'est-à-dire ce texte-là peut indiquer plusieurs sens. Et on avait cité la règle, le dalil, le texte, s'il peut avoir plusieurs sens, on ne peut pas l'utiliser comme dalil. Ce n'est pas un dalil. Comme l'imam Shatibi, on avait vu, il l'avait dit, un texte comme ça, c'est une shubha. On l'appelle shubha, on ne l'appelle pas dalil. Et celui qui l'utilise comme dalil, il a fait d'une shubha un dalil, et c'est lui le mubtadi'. Ce n'est pas celui qui s'accroche à le muhkam, au texte clair du Coran, et qui essaye de ramener le mutashabih, de comprendre le mutashabih conformément à ce qu'indiquent les versets qui sont le muhkam, clair. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui surtout, c'est si on part sur le fait que ce qu'ont demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ces compagnons-là, ce qu'ils ont demandé, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du shirk akbar, comme l'ont compris certains ulémas. Comment on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas excommuniés? Il ne l'a pas appliqué le takfir sur eux. Ce qu'on appelle takfir al-mu'ayyan, il ne l'a pas appliqué sur eux. Or ça, c'est l'argumentation de ces gens-là, gens de l'égarement, mubtadi'a, qui disent que le prophète, alors déjà, comme on va le voir, ce qui est la grosse nuance, c'est qu'ils ont demandé à faire quelque chose, mais qu'ils n'ont pas fait cette chose-là, premièrement. Donc eux, ils en ont fait, ils l'ont rentré évidemment ils ont dit que ce qu'ils ont demandé, c'est du shirk akbar, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas excommuniés parce qu'ils étaient ignorants. Donc en gros, le résultat c'est quoi? C'est quelqu'un, ils en ont fait une règle générale. Et ceci à deux niveaux. C'est-à-dire qu'ils en ont fait une règle générale, celui qui commet du shirk akbar en étant ignorant, il ne mécroit pas parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas que ce qu'il fait c'est du shirk. Et le dalil c'est hadith dhat anwat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas excommunié ses compagnons qui ont fait le shirk. Alors déjà, ils n'ont pas fait le shirk, ils ont demandé à faire quelque chose sans le faire. Ensuite, j'ai dit à deux niveaux pourquoi. On trouve une catégorie, ça c'est vraiment elle roulette. Ceux qui disent qui appliquent cette règle-là à tous les mouchriquins. Au mouchriques qui vient de rentrer en islam et au mouchriques qui est en islam depuis longtemps, qui est au milieu des musulmans, qui est même des fois talib al-ilm, qui est même des fois shir, enseignant, qui lit le Coran, qui lit le hadith, qui écoute les cours de ilm, qui écoute les khutab, etc. Il est dans la même situation, alors que bin nas al-hadith, il est clairement dit dans le hadith qu'il s'agissait d'une partie des compagnons qui venaient de rentrer en islam juste à la prise de la Mecque. Lors de la prise de la Mecque, donc on sait que la bataille de Hunayn, c'était après, juste après la prise de la Mecque, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour combattre Hawazin. Donc, dans la bataille de Hunayn, c'était juste après. C'est des gens qui viennent de rentrer en islam. Donc, déjà appliquer cette règle-là à tout le monde que cette personne-là vienne de rentrer en islam ou qu'elle soit en islam depuis longtemps au milieu des musulmans, etc. C'est ceux qui appliquent cette règle-là, ils contredisent déjà ce que nous indique le hadith. Donc, déjà, c'est un istidlal qui est batil. On a l'autre catégorie qui sont moins égarés, mais quand même égarés quand même. C'est ceux qui vont excuser le mushrik, mais comme c'est le cas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, c'est le mushrik qui vient de rentrer en islam. C'est-à-dire quelqu'un, il vient de rentrer, il vient de montrer l'islam, il dit les deux shahada, etc., il montre qu'il est avec les musulmans, même puis il peut prier, etc. Et il commet du shirk akbar. par la parole ou par l'acte. On va laisser la croyance parce qu'encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, c'est les paroles et les actes, ce qu'on voit. On a été ordonné de juger selon les apparences ce que cette personne-là, elle croit ou elle ne croit pas, c'est entre lui et Allah Azzawajal. وحسابهم على الله عز وجل comme le professeur Salam il a dit. Et donc eux ils en font une argumentation comme cela. Donc comment on répond à ça et comment on montre que leur argumentation elle est nulle. Donc déjà on a vu la réponse qu'on a appelée ce que les ulama comme le cheikh Mohammed rahimahullah lui-même il a appelé dans Kashf al-Shubuhat al-Radd al-Mujmal. La réponse générale, c'est ce qu'on a cité dans les cours précédents, c'est-à-dire c'est un texte qui est mutashabih et on doit le renvoyer à al-muhkam. Al-muhkam, c'est quoi? C'est que le tawhid ne se réalise qu'en délaissant totalement le shirk. On ne peut pas trouver quelqu'un qui est muwahhid mushrik, muwahhid qui commet du shirk akbar. On sait que, comme ils disent, le tawhid ou le shirk diddan ou naqidan, la yajtami'an ou la yajtami'an, la yajtami'an et la yartafi'an, ils disent. Le shirk et le tawhid, c'est deux annulants, deux choses qui s'opposent. Tu ne peux pas trouver l'un et l'autre en même temps chez une même personne. Soit on a le shirk, soit on a le tawhid. Donc on ne peut pas trouver un muwahhid qui associe la grande association, qui donne l'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est clair dans nos sources, le Coran. Et c'est un ijma'. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers. An ya'budullah wa ijtanibu at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre clairement dans le Coran que le shirk, c'est un annulant de l'islam, qu'il annule tous les actes, etc. C'est-à-dire, tout ce qui est muhkam dans le Coran, ça nous montre qu'on n'a pas de tawhid, on n'a pas d'islam avec le shirk. Donc, normalement, l'aslan, c'est celui qui respecte cette qaïda qu'on a lu, la qaïda coraniya. Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de renvoyer le mutashabi, le muhkam, et de comprendre le mutashabi conformément, ou du moins d'une compréhension qui ne contredit pas le muhkam. On doit se dire que ce hadith-là est mutashabi et on ne peut pas aller faire se baser sur ce hadith-là et délaisser tout le muhkam de le Coran qui montre que quelqu'un qui commet le shirk akbar, il n'a pas réalisé l'islam. Ou si on a jugé son islam avant, il devient murtad, il sort de l'islam. Et comme on a vu, dans la parole de l'ulama de l'fuqaha, le premier naqid dans Bab al-Hukm al-Murtad, quand l'ulama et l'fuqaha ils parlent le statut de l'apostat, celui qui délaisse l'islam après avoir cru, après avoir montré l'islam, le premier sabab qui cite le shirk. Et on a vu que l'ulama ils citent le shirk mutlaqan. Ils font pas de différence entre celui qui commet le shirk par ignorance, celui qui vient de rentrer en islam, etc. Le shirk il annule l'islam bil-kulliya. Il n'y a pas le shirk, il n'y a pas d'exception. La seule exception, ce qu'il y a, c'est celui qui dit un acte de kofr ou fait un acte de kofr sous la contrainte. Bilijma, c'est le seul cas où la personne ne sort pas de l'islam. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce que les ulama, ils ont appelé rat al-mufassal. Le mufassal, c'est-à-dire, c'est comment on répond à cette choubha-là de manière particulière. Comment on répond à ces gens-là et à cette compréhension-là? Donc, si on reprend ce qu'il dit dans le Hashia, on était arrivé, donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Walladhi nafsi biyadi, ou qultum walladhi nafsi biyadi, kama qalat banu Israïla li Moussa, ij'allana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhaloun. Il dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous avez dit comme on dit les enfants d'Israël à Moussa, alayhi salam. Désigne-nous une divinité comme eux, ils ont des divinités. Et là, Moussa, alayhi salam, il leur a répondu, vous êtes vraiment des gens ou un peuple d'ignorants, des gens ignorants. On avait déjà parlé de la comparaison du prophète, sallallahu alayhi salam, et on voit que dans la demande des compagnons, et dans la demande de Banu Israël, qu'il y a une différence dans les mots qui sont employés. Ici, on a vu que le Muhashi, le Cheikh Abdelrahman ibn Qasim, et d'autres parmi la Immat al-Da'wa Najdiya, c'est la parole aussi d'Abdelrahman ibn Hassan, et d'autres dans Fath al-Majid, Et d'autres parmi les ulama, ils voient que c'est une comparaison totale. C'est-à-dire que même si les mots diffèrent, que, comme ils disent, l'ibra bil haqa'iq, la bi al-alfad, ou la bi al-alfad. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est al-ma'ani. C'est ce qu'on a voulu dire, c'est pas les mots qu'on a employés pour le dire. Et que les deux expressions, en réalité, même si les mots changent, le sens, il est pareil. Ça, comme on a dit, fi nadhar. Et c'est largement discutable, puisque ce qu'ont demandé les compagnons du prophète, c'est quelque chose qui est ambigu. Désignez-nous un dhat anwat pour faire quoi exactement? Comme eux, ils ont un dhat anwat. Est-ce que c'est pour lui donner l'adoration? C'est peu probable dans la mesure, comme on va le voir, c'est des gens qui connaissaient le sens, qui connaissaient la ilaha illallah, et qui connaissaient le sens de la ilaha illallah, et qui savaient que l'adoration, ce qu'on appelle le ta'allu, le fait de donner ça à un autre qu'Allah Jalla, ça contredit l'islam, la base de l'islam. Et c'est ce point-là qui a fait la différence entre eux et entre la religion que eux ils ont quittée. Ils ont quitté une religion, la religion de leur peuple, ils se sont désavoués de ce dîn-là pour rentrer en islam. Donc c'est peu probable, clairement peu probable qu'ils demandent au professeur Salam quelque chose pour donner l'adoration à cette chose-là. Comme on va le voir, ce qui est le plus probable dans cet avis-là, c'est qu'ils ont demandé à dire ou à faire quelque chose et ils n'ont pas compris que cette chose-là, c'est une sorte d'adoration, que ça rentre dans l'adoration et on va voir que ça a son importance dans la parole qu'on va lire de Cheikh Abba Boutaï, rahimahullah. Ici, il dit, يعني عظمة الله. Vous êtes un peuple d'ignorants, ignorant de quoi? Allah, de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa valeur subhanahu wa ta'ala. ولم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا وإسرائيل إلى آخره. جيد. Donc ici le Cheikh, rahimahullah, il évoque la raison pour laquelle ils n'ont pas mécru et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas excommuniés. Donc, vous êtes un peuple d'ignorants, vous ignorez la valeur d'Allah Jalla wa Ala et de sa grandeur. Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fi. C'est-à-dire que ces gens-là sont des gens voués à la destruction et ce qu'ils font est batil et vain, est voué à la disparition. C'est-à-dire, ils visent ici l'adoration de l'asnam, l'adoration des idoles. Et là, ici, il nous dit, et ils n'ont pas mécru pour deux choses. Là, ici, deux choses. Pourquoi ils n'ont pas mécru? Il dit parce que de un, c'était des gens qui venaient de rentrer en islam. Premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas fait cette chose-là. Et là, il cite bien deux choses. Et il faut que, et c'est parce que ces deux choses, elles sont réunies qu'ils n'ont pas mécru. Si t'en enlèves une seule, c'est du kufr. Ils auraient mécru. Pourquoi? Comment? Premièrement, il dit walam yakfuru bi talabihim. Déjà, il dit bien bi talabihim par leur demande. Comme il le dit après, ils l'ont pas fait. Ils ont demandé quelque chose. Ils n'ont pas mécru par leur demande parce qu'ils venaient de rentrer en islam. Ils venaient de quitter la mécréance. Ils venaient de rentrer en islam. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, comme on va lire après, Inch'Allah, la parole de Cheikh Abdurrahman Abba Boutaïb, qui a une bonne parole où il explique. Il explique comment on comprend ça. Ils viennent de rentrer en islam, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on va excuser quelqu'un qui vient de rentrer en islam, c'est-à-dire du moins qui vient de rentrer en islam? C'est quand on dit rentrer en islam, c'est quelqu'un qui a un taqbe shahadatay. Shahadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il vient de rentrer, il montre qu'il est avec les musulmans et on voit, s'il dit quelque chose qui nous montre qu'il ne sait pas ce que c'est la ilaha illallah, qu'il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, yakfur, mortet, il sort de l'islam. Il devient murtad apostat. Ça, c'est la majorité des fuqaha. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce qu'ils ont dit, ça ne montre pas qu'ils ne connaissent pas la ilaha illallah. Ça montre qu'ils ne savent pas que ce qu'ils ont demandé, ça rentre dans l'adoration. Ça rentre dans ce qu'on appelle le ta'allu. La ilaha la ma'bud. Bihaq illallah. Ça, ils le savent. Ils savent que l'adoration, elle est pour Allah Azzawajal. Ils savent que le ta'allu, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que celui qui donne le ta'allu, l'ibada à un autre Allah subhanahu wa ta'ala, il est mushrik. Il est sur une autre religion que l'islam. Il n'est pas musulman. Il est sur une autre religion. Ça, ils le savent très bien. Mais eux, ce qu'ils n'ont pas compris sur cette compréhension-là, encore une fois, qui n'est pas la plus juste, que si vraiment ce qu'ils ont demandé, c'est du shirk, ils n'ont pas compris que cette parole-là ou cet acte-là, ça rentre dans l'adoration. Pour eux, ce n'est pas de l'adoration. Ce n'est pas du ta'allu. Ce n'est pas de l'adoration. Mais là, ici, c'est une deuxième chose qui est très importante. C'est qu'ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire, une fois que le professeur Sallam, sur cette compréhension-là, il leur a dit, ce que vous demandez là, c'est de vous demander d'adorer un autre qu'Allah, ça rentre dans l'adoration, évidemment, directement, ils ont reculé. Ils ont reculé, évidemment, ils ne vont pas le faire, subhanallah. À partir du moment où ils savent que ça va contredire la ilaha illallah, ils ne vont pas le faire. Donc là, il y a ces deux choses-là. Maintenant, regardons si tu enlèves une ou l'autre. Admettons, il y a la première chose. Ils viennent de rentrer en islam. OK. Mais ils font l'acte. Ils donnent l'adoration à un autre Allah Jalla wa Ala mushrikoun. Khlas, ils sortent de l'islam. À partir du moment où tu donnes l'adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal, tu as associé. Tu deviens mushrik. Si tu étais musulman avant, tu deviens murtad, apostat. Encore une fois, le shirk, c'est le premier. La première cause d'apostasie, de ridda, que le fuqaha ici dans leur livre est shirk, sans détail. S'ils avaient commis, s'ils avaient donné l'adoration et ta'allu, li ghayrillahi ta'ala, un autre Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient mécru, ils seraient devenus murtaddin, mushrikin. Et le prophète sallam, il aurait appliqué le takfir, l'excommunication sur eux, et leur aurait demandé de se repentir. Même si y a khilaf là-dessus. Taïb, on prend l'autre cas. Ils ne viennent pas. Donc là, on a dit, ils viennent. Ils viennent, on a dit, le premier cas, on a dit, ils viennent de rentrer en islam. Ça, c'était le premièrement. Mais ils font l'acte. Jade. Maintenant, on a le deuxième cas. On enlève le fait, on prend l'autre cas, on enlève le premièrement. C'est quelqu'un, il vient pas de rentrer en islam. Il vient pas de rentrer en islam et il va demander une chose comme ça. C'est-à-dire ça, il vit au milieu des musulmans, c'est quelqu'un, il lit le Coran, c'est quelqu'un, il a accès à la science et il va demander quelque chose qui est de l'adoration. Il va demander au professeur Salem ou à quelqu'un d'autre à faire cette chose-là qui rentre dans l'adoration. Celui-là, il est mushrik kafir. Parce qu'il prononce une parole, il demande quelque chose qui est du kofr. Sa parole, c'est du kofr. Et ça rentre c'est la même chose que ce qu'on demandait Banu Israël. Banu Israël, ils ont dit quoi? Ils ont dit, désigne-nous une divinité en dehors d'Allah. Comme eux, ils ont dit divinité en dehors d'Allah. Ma'bud, désigne-nous une divinité en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'on l'adore. Celui-là qui vient de rentrer en islam, qui vient pas de rentrer en islam, il annule son islam. Parce que ça détruit la ilaha illallah directement. Ça montre que c'est quelqu'un qui ne sait pas ou qui ne croit pas, qui n'a pas la certitude que la ilaha illallah, c'est le fait de rejeter tout shirk et toute autre divinité adorée en dehors d'Allah, Jalla wa Ala. Là, ça aurait été ce cas-là. Il vient pas de rentrer en islam, il demande une telle demande, alors que cette chose-là, ça rentre dans l'adoration. Et que l'adoration, elle est claire dans le Coran. C'est quelqu'un qui aurait mécru, ça constitue une parole de kofre. Donc, il a fallu que ces deux conditions elles soient réunies. Et c'est parce que ces deux conditions ont été réunies qu'ils n'ont pas mécru. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas excommuniés. Non. Ça, on aimerait lire la parole de Cheikh Abba Boutaïn. Concernant ce sujet-là, non. جيد. دونك شيخ أبو بتين il dit dans une رسالة qui s'appelle انتصار الانتصار لحزب الله الموحدين. C'est une رسالة qu'on trouve, elle est dans Durar السنية. Elle est aussi dans certains recueils de Rasa'il comme recueil qui s'appelle Aqidat al-Muwahhidin. C'est la première Risala du livre. Al-Muhimi dit وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط ما كانوا يظنون أن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولم يظنوا أن هذا من التأله لغير الله تعالى الذي تنفيه لا إله إلا الله لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها لأنهم عرب لكن خفيت عليهم هذه المسألة لحداثة عهدهم بالكفر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن وسنن من كان قبلكم فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم بذلك قلنا هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلا بمعناها ثم نبه فتنبه أنه لا يكفر ولا شك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لكفروا. Donc le shirk dit quoi? Il dit, il cite des sortes de shirk. Donc dans sa risala, il dit de la même manière, ceux qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, désigne-nous une divinité, désigne-nous plutôt, pardon, un dhat, un wat, donc un arbre sur lequel nous accrochons nos armes. Il dit, ils n'ont pas pensé que leurs paroles, donc leurs paroles désigne-nous un arbre sur lequel nous accrochons nos armes, étaient semblables, identiques à la parole de Banu Israël, اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Désigne-nous une divinité comme eux, ils ont des divinités. Donc là, on voit que le Cheikh, il considère, comme c'est le cas de la majorité de l'A'immat al-Da'wa, que les deux demandes sont semblables. La demande de Banu Israël et la demande des compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Zat Anwat, c'est une demande semblable. Il dit, et ils n'ont pas pensé que ceci était du ta'alluh. C'est-à-dire, ils n'ont pas pensé que ceci est rentré dans l'adoration pour un autre qu'Allah qui est rejeté par la ilaha illallah. Ils n'ont pas compris que cette parole-là qu'ils ont demandé, cette chose-là qu'ils ont demandé, ils n'ont pas compris que ça rentre dans l'adoration. Il dit parce que c'est des gens qui disaient la ilaha illallah. C'est-à-dire ces compagnons-là qui ont demandé ça, c'est des gens qui viennent de rentrer en islam, certes, il y a peu de temps, lors de la prise de la Mecque, mais c'est des gens qui sont rentrés en islam, c'est des gens qui disent la ilaha illallah, c'est des gens qui connaissent le sens de la ilaha illallah rien que par la langue arabe. Et aussi par la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prise de la Mecque, Allahu alam, en l'année 8 de l'Hégire. Donc 13 ans à Mecca, 8 ans à Médina. Ça fait plus de 20 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la da'wa. Il est en train de les appeler à l'islam. À Télé-Sellat, Wal-Uzza, Wal-Manat, etc. La religion de leurs parents. Ils savent très bien ce que c'est ce din. Ils connaissent très bien, ils savent ce que c'est ce din. En quoi consiste ce din? Et rien que de par la langue arabe, ils savent, on sait qu'ils connaissent la signification de la ilaha illallah, comme c'est clair dans le Coran. Et donc, c'est des gens qui disent la ilaha illallah, et c'est des gens qui connaissent son sens. Ils savent que cette shahada, c'est l'adoration d'Allah seul, et le rejet de toute forme de shirk, et le rejet de toute forme de divinité adorée en dehors d'Allah. Il dit, mais ce sujet-là, ça leur a échappé. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que ce qu'ils ont demandé rentre dans l'adoration, rentre dans At-Ta'allou. Et que s'ils donnent cet acte-là à cet arbre-là, il va devenir Ma'boud, Ma'lou, Ilah. Ils savent, ils n'ont pas compris ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui comprennent le sens de la ilaha illallah. Ils connaissent l'islam. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ils connaissent la ilaha illallah. Ou man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ils connaissent le sens de la ilaha illallah. Le problème, il n'est pas là. Le problème, ils ne savent pas que cet acte-là qu'ils ont demandé, ça rentre dans l'adoration et que ça va aller contredire, annuler la ilaha illallah. C'est deux choses différentes. Le fait d'ignorer le tawhid, c'est-à-dire l'ignorer le sens de la ilaha illallah, ignorer que il faut rejeter tout shirk, toute forme de shirk et toute autre divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une chose. Le fait de savoir que tel ou tel acte, ça rentre dans l'adoration, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce que comme on dit, al-ibadatu tawqifiyya. Al-ibadatu tawqifiyya. Al-ibada, que ce soit la parole ou l'acte, on l'apprend du Coran et de la Sunna, de la législation. On ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal comme on veut, par l'aql, par la raison ou par l'adat, par les habitudes. L'ibadatu tawqifiyya, elle s'est basée sur le Coran et la Sunna. Et donc, eux, ils n'ont pas compris que cet acte-là qu'ils ont demandé à faire, ça rentrait dans l'adoration. Et là, la nuance, elle est là. Et pourquoi ils n'ont pas compris ça? Parce qu'ils venaient de rentrer en islam. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'aurait pas été excusé de ne pas savoir que cette chose-là, elle rentre dans l'adoration parce que c'est quelqu'un qui vit au milieu des musulmans, qui a le Coran dans les mains, qui étudie, qui a accès à la science, etc. Donc c'est deux choses réunies. Le fait qu'il soit nouveau en islam et, comme on va le voir, comme il le dit après, le fait qu'il ne l'ait pas fait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahu Akbar, c'est écrié, il a fait le takbir. Ceci est la voie ou les voies. Donc ce que ceux-ci sont les voies. Vous avez dit innaha as-sunan, c'est-à-dire les voies que les gens d'avant vous ont suivies. Et là il dit, vous avez dit par celui qui détient mon âme dans sa main la même parole que les enfants d'Israël à Moussa, désignez-nous une divinité comme eux ils ont des divinités. Vous êtes un peuple qui ignore d'ignorants. Vous allez suivre leur voie, ou vous allez suivre la voie de ceux d'avant vous. Et là, Abu Boutayn, rahimahullah, il dit, la partie qui nous intéresse, il dit, s'il est dit, et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas excommuniés? Pourquoi il n'a pas pratiqué le takfir sur eux? Nous disons, nous répondons à ceci, que ceci nous indique que celui qui prononce une parole de kofr, c'est-à-dire que leur demande, leur parole à la base, elle est une parole de kofr dans la mesure où ils demandent à adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans savoir que ça rentre dans l'adoration. Donc c'est une nuance. Ça, il dit, celui qui dit une parole de kofr en ignorant son sens, puis qu'il est mis, qu'on lui fait comprendre, ou il est mis en garde, on l'éveille sur le fait que cette chose-là, ça rentre dans l'adoration, et qui retourne, c'est-à-dire qui prend conscience que effectivement ça rentre dans l'adoration, alors celui-là, il ne mécroit pas. C'est-à-dire qu'on le met en garde, il dit, ce que tu as dit, ça rentre dans l'adoration. C'est un acte d'adoration pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et là tout de suite, il recule. Et il ne le fait pas évidemment, il ne mécroit pas. Donc là, il a rentré ça dans le cas où c'est le fait de prononcer une parole de kofr sans connaître le sens de cette parole. On sait qu'il est conditionné dans la parole de kofr pour que la personne, elle mécroit, que la personne, elle vise deux choses. Qu'elle vise le mot et qu'elle vise le sens du mot. C'est-à-dire, il faut qu'elle vise à dire cette chose-là. Des fois, les gens, ils disent une chose comme ça, c'est-à-dire sans intention de la dire. On sait que c'est le cas de celui qui a retrouvé son chameau, qui avait fui, etc. Et par joie, il a dit, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Allah, je suis ton Seigneur, ou tu es mon esclave, je suis ton Seigneur. C'est une parole de kufr, mais il a pas voulu dire cette parole-là. Elle est sortie de sa bouche comme ça, ce qu'ils appellent sabq al-lisan. C'est-à-dire ta langue, elle dit quelque chose, mais t'as pas voulu dire ces mots-là. Al-alfad, à la base, t'as pas voulu dire le mot. Sans parler du sens, t'as même pas voulu dire le mot. Et l'autre condition, c'est quand tu dis un mot qui est à la base du kofr, il faut avoir visé son sens. C'est-à-dire, si quelqu'un, on va donner un exemple, il répète une injure envers Allah. Ce qui rentre dans sab, lillahi ta'ala. Mais il le dit dans une langue qui n'est pas la sienne, en répétant quelqu'un, comme ça, par amusement ou par rafla, il va répéter une injure envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans une langue qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire, il a visé à dire le mot. Il veut dire le mot, mais il ne vise pas le sens. Il ne sait pas ce que ça veut dire, Aslan. Donc celui-là, il ne mécroit pas non plus. Il faut que la personne, elle vise le mot et vise le sens. Par contre, il n'est pas conditionné qu'elle vise le kofr. C'est très important comme règle. Il n'est pas conditionné que la personne dise, elle a bien voulu dire le mot, elle a bien visé le sens du mot qu'il voulait, mais il ne sait pas que ce sens-là, il ne sait pas que c'est du kofr. Ça, c'est autre chose. Et il dit quelque chose ici par rapport à l'acte. Il dit, wala shak annahaula, il dit, il n'y a aucun doute que ceux-là, s'ils avaient pris quand même that and what, cet arbre-là, pour faire ce qu'ils voulaient faire, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ait mis en garde et les ait réprimandés, ils auraient mécru. Donc là, ça rejoint les deux choses qu'on a dit. Ça rejoint le fait qu'ils étaient nouveaux en islam. Et donc, ils étaient excusés parce qu'ils ne savaient pas que cet acte-là ne rentre pas dans l'adoration. Donc, ils ont demandé un acte. Ils ne comprennent pas cet acte. Ils ne comprennent pas cet acte dans le sens où ils ne comprennent pas que ça rentre dans Et'ello. Ça rentre dans Et'ello, dans l'adoration, parce qu'ils étaient nouveaux en islam. Quelqu'un, s'ils n'avaient pas été nouveaux en islam, cette personne-là n'aurait pas été excusée parce que il n'est pas excusé de ne pas savoir ce que c'est l'adoration. De ne pas savoir que cet acte-là rentre dans l'adoration. Il a le Coran et la Sunna. Il a le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui, il a accès à la science, etc. Et deuxièmement, ils ne l'ont pas fait. S'ils l'avaient fait, qu'ils soient ignorants ou pas ignorants, à partir du moment où on donne un acte d'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on devient mushrik, même si on ne sait pas que cet acte-là est du shirk. Puisque le tawhid, c'est l'adoration d'Allah seul et le rejet du shirk, le désaveu du shirk. Est-ce que celui qui fait le shirk, est-ce qu'il a rejeté le shirk? Est-ce qu'il a désavoué le shirk? Est-ce qu'il a mécru au taghout? An ya'budullah wa jitanibu taghout. Est-ce qu'il s'est écarté du taghout? Comme Allah Jalla wa ala dit, la parole subhanahu wa ta'ala, walladhina jitanibu taghout. Allah Jalla wa'ala, il nous dit que le fait de s'écarter du Tarout, la première chose, c'est quoi? Le fait de s'écarter du Tarout en ne lui donnant pas l'adoration. Est-ce que quelqu'un qui a donné l'adoration à un autre qu'Allah Jalla wa'ala, il a donné l'adoration à un arbre, il l'a pris comme divinité en dehors d'Allah, est-ce qu'il s'est écarté du Tarout? Est-ce qu'il a réalisé ce pilier-là, cette condition-là de la foi, de la base de la foi du Tawhid? Non. Comment il est musulman? Taïb. Donc là, faut bien comprendre que dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on répond à cette choubha. Donc, comme les ulama, ils ont appelé ça Ar-Rad Al-Mufassal, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire la réponse détaillée. Après avoir répondu de manière global, on répond de manière détaillée, c'est-à-dire qu'on répond à la choubha en elle-même. Bien que normalement, la réponse globale, elle suffit. Elle suffit puisqu'il n'est pas conditionné que chaque musulman sache répondre de manière détaillée à toutes les choubhouettes. Ça, c'est pas le cas de tout le commun des musulmans de pouvoir répondre à toutes les choubouettes qui existent sur le tawhid. Il suffit de savoir répondre, comme on l'a vu dans la réponse globale, Raj al-Mujmal, et il n'est pas nécessaire pour rejeter le mukhalif, pour rejeter le khasm. Celui qui nous contredit dans cette compréhension-là, il n'est pas une condition de pouvoir lui répondre de manière détaillée, mais le fait d'évoquer la grande règle, qui est la règle, comme on l'a dit, de l'muhkam, de l'mutashabih, et de revenir à l'muhkam du Coran, L'adoration d'Allah Jalla wa Asal et le rejet du shirk, ça suffit pour repousser l'opposant. Et ceci, on le retrouve dans les Masail du Bab. On sait que dans Kitab Tawhid, le Cheikh Mohammed, rahimahullah, à la fin du chapitre, on sait qu'il nous cite des Masail, c'est-à-dire des Fawaid, des choses qu'on peut tirer du chapitre et des Adillah, des versets et des hadiths qu'il a cités dans le chapitre. Et donc là, j'aimerais juste lire ce que le Shir, rahimahullah, deux mas'alas que le Shir dit dans les mas'ail. Déjà, il dit dans la cinquième mas'ala, il dit très important pour revenir aux deux points qu'on a cités, c'est-à-dire le fait qu'il soit nouveau en islam et le fait qu'il n'ait pas fait l'acte. Dans la cinquième mas'ala, il dit أنهم إذا جاهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. C'est parce que j'ai voulu chercher. نعم. Dans la troisième, il dit كونهم لم يفعلوا. كونهم لم يفعلوا. Le fait qu'ils n'aient pas fait l'acte. Encore une fois, s'ils avaient fait l'acte, ils auraient donné l'adoration à un autre qu'Allah Jalla wa Ala, ils auraient mécru. C'est pour ça qu'il ne faut pas comprendre de la parole de Abu Boutayn. Abu Boutayn, lorsqu'il dit لو اتخذوا ذات أنوات بعد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لكفروا. S'ils avaient pris comme divinité le ذات أنوات, l'arbre, après que le prophète صلى الله عليه وسلم les ait réprimandés, ils auraient mécru. Il ne faut pas comprendre de la parole du shirk que s'ils avaient pris l'arbre avant que le prophète صلى الله عليه وسلم les réprimande et qu'ils avaient adoré l'arbre en dehors d'Allah avant la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, ils n'auraient pas mécru. Ils auraient mécru aussi. Là, ce qu'il veut dire, c'est que une fois qu'il leur est apparu que cette chose-là est du shirk, rentre dans l'adoration, khlas, il n'y a plus aucune excuse. Mais s'ils l'avaient fait, même s'ils avaient donné l'adoration à l'arbre avant que le prophète sallam leur montre que ça rentre dans l'adoration, ils auraient mécru aussi. Et ici aussi, pour revenir au fameux sujet que est-ce que ce qu'ont demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre dans le shirk al-akbar ou la bid'a ou le shirk al-asghar? La parole du shirk, il dit dans la 11e mas'ala, il dit annahu al-shirk fihi akbar wa asghar li'annahum lam yartaddu bihadha li'annahum lam yartaddu bihadha. C'est le shirk, il dit fihi, Allahu alam, il vise fil bab. Fihi ad-damir ya'oud ila al-bab. Annahu ash-shirk fihi, c'est-à-dire que le shirk dans ce chapitre-là, dans le chapitre du fait de rechercher la bénédiction, il est soit akbar ou il est asghar. Il est soit c'est du grand shirk, soit du petit shirk. Il dit pourquoi? Li'annahum lam yartaddu bihadha. Parce que les compagnons du prophète sallam, ils n'ont pas mécru. Lam yartaddu. Ça montre que le shirk, rahimahullah, il penche lui-même, il penche plus vers le fait que ce qu'ils ont demandé, ça n'atteint pas le shirk akbar. Wallahu alam. Bon, il rajoute aussi un nahi, un itashabbuh bi ahli al-jahiliya. Et ici, il dit quelque chose, le shirk, il dit, donc on a parlé de, il parle du shirk asghar. Il dit que dans ce chapitre-là, il peut s'agir de shirk akbar ou shirk asghar. Ou on peut rajouter la bid'a, c'est-à-dire ces trois choses différentes. Shirk akbar, dans le cas du hadith, le fait qu'il demande de donner l'adoration à l'arbre directement. C'est shirk akbar. Taïb. Shirk bid'a. Bid'a, on l'a cité, on l'a vu dans la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal auprès de cet arbre. De prier auprès de l'arbre ou d'invoquer Allah Azza wa Jal auprès de l'arbre, ça c'est une bid'a, mais ce n'est pas du shirk. Ni akbar ni asghar. C'est une bid'a munkara, c'est le fait de rechercher la bénédiction de l'endroit alors qu'il n'y a aucune trace dans la législation de cet endroit-là. Ça rentre dans la bid'a. البدعة المفسقة ou البدعة المنكرة mais c'est pas une بدعة مكفرة qui fait sortir de l'islam. Et comment on comprend la mesela du petit shirk? Parce que le shirk ici, il comprend le petit shirk. Il y en a, ils ont expliqué ça de la même de la manière dont on a parlé dans les chapitres précédents, c'est-à-dire le fait de prendre l'arbre comme sebeb, comme cause pour bénéficier de la bénédiction d'Allah Jalla wa Ala. De prendre l'arbre, le fait d'accrocher les armes sur cet arbre-là, de prendre l'arbre comme cause, donc une cause, un sebeb, qui n'est pas légiférée, sur lesquelles il n'y a aucune indication dans le Coran, dans la Sunna, ni dans le Tajriba, ni dans l'expérience, comme on l'a vu, pour retirer la bénédiction d'Allah Jalla wa Ala dans ces armes-là. C'est un sebeb qui n'est pas légiféré. On sait que le fait de prendre un sebeb qui n'est pas légiféré pour obtenir djelb al-nafh ou dafh dur, comme on l'a vu, pour obtenir un bien ou repousser un mal, ça rentre dans le shirk asrar, comme on l'a vu dans les masail avec les tamaim, les talismans, ou avec d'autres choses, dans ce que le qilada, le watar, etc. Dans tout ce qu'on a étudié dans les chapitres d'avant, il y en a, ils voient que ça peut rentrer dans ce chapitre-là, et donc c'est du shirk asrar. Donc on a soit shirk akbar bid'a ou shirk asrar, wallahu alam, ce qu'on retrouve dans la parole chez les anciens. On retrouve que c'est une bid'a et qu'ils ont commis quelque chose qui est répréhensible, haram, parce que à la kulli hal ça rentre dans tashabbuh bil kuffar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum, celui qui ressemble à un peuple, il fait partie d'eux. Il fait partie d'eux, mais on a vu que la comparaison, elle peut être soit kulli, totale ou juz'i, partielle. Comme l'imam Shatibi, il l'a dit. Et justement, par rapport à cette règle-là de tashabbuh, et sur le fait que la umma islamia, la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va suivre les gens d'avant, les juifs, les chrétiens et les mouchriquins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin du hadith, de notre hadith là, et dans d'autres hadiths, il dit « La tarakabunna sunana ou sanana man kana qablakum » Sanan, c'est l'ifrat, singulier, pluriel, sunan. Vous allez suivre, vous allez emprunter la voie, les voies de ceux d'avant vous. Donc là, il dit, Al-Muhashi, Sheikh Abdurrahman, il dit, Bidam al-Sin. Bidam al-Sin. Yani, Sunan. La tarakabunna Sunan. Ay la tattabi'unna antum ayyuha al-umma turuq al-Yahud wal-Nasara ومناهجهم وأفعالهم ويجوز فتح السين على الإفراد سنن يعني أي طريقهم وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فركبوا طرق من كان قبلهم وفي الصحيحين لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة الحديث وفي رواية لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بالذراع وهو خبر معن وهو خبر معناه الذم وفيه علم من اعلم النبوه النبي صلى الله عليه وسلم وان الشرك لابد ان يقع في هذه الامه وفي الخوف منه وان الانسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه الى الله تعالى وهو ابعد ما يبعده وفي النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا فإنما قاله لنا لنحذره فليجوز التبرك بالصالحين لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. Donc on peut dire la tarakabunna sunan ou sanan. Sunan yani sanan, la voie. Le pluriel sunan, les voies. On peut dire les deux choses. C'est-à-dire que vous allez suivre les gens, ou vous, la communauté de Muhammad. C'est-à-dire que ce qui est voulu ici, c'est ummat al-ijaba. On sait que quand l'umma, on a déjà dit quand l'umma vient dans les textes, ce soit ummat al-da'wa, c'est-à-dire la communauté de l'appel, c'est-à-dire ça concerne tout le monde, tous les êtres humains et tous les djinns après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est voulu ici, c'est ummat al-ijaba. C'est des gens qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui sont rentrés en islam, mais qui vont commettre des choses par la suite. Et parmi ces choses-là, il va y avoir des choses qui atteignent le shirk akbar, ridda, murtad, qui vont sortir de l'islam. L'apostasie, pour répondre à des gens qui disent que l'apostasie ou que le shirk ne peut plus se produire après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros, le musulman ne sort jamais de l'islam. Non. Donc vous allez suivre la voie des gens d'avant vous, les juifs, les chrétiens. Et vous allez suivre leur manhaj, leur voie et leurs actes. Et on peut, encore une fois, on peut dire sanan, sanan, la voie, sunan, les voies. Et il s'est produit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Et ça fait partie des signes de sa prophétie, donc de exactement de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, ça s'est produit de cette manière-là. C'est-à-dire que les gens ont suivi les voies de ceux d'avant eux. Donc les juifs, les chrétiens et les mouchriquins de Quraysh, quels Qubouriyin, même s'ils ont suivi une sunna des juifs et des chrétiens en prenant les tombes de leurs prophètes comme mosquée pour y prier, ou comme Wathan, en donnant l'adoration aux tombes, ça rejoint aussi l'adoration que pratiquait Quraysh, c'est-à-dire le fait de prendre le mort comme intercesseur ou de lui donner l'adoration pour bénéficier de son intercession ou de Tabarruk. Cette fois-ci, Tabarruk au shirki, le fait de rechercher la bénédiction, mais celle qui est du shirk. Ça, c'est le même dîn que Quraysh, qui adorait Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat pour se rapprocher d'Allah Jalla wa'ala, ou pour rechercher leur intercession. Pas de différence. Un shirk ou un shirk. Et dans une autre version, dans Sahihain, le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, vous allez suivre la voie de ceux d'avant vous, pas à pas. Ou en pan par en pan, c'est-à-dire, comme on l'a dit la dernière fois dans la parole de Chatibi, vraiment à la lettre. Certaines bid'a vont être commises, qu'ont commis les juifs et les chrétiens avant nous, et les mouchriquines, la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam va commettre exactement les mêmes. Ou dans l'autre version, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'. C'est-à-dire, pas à pas, coudée par coudée, c'est-à-dire exactement les mêmes bid'a. Et donc, il dit que c'est une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée et qui est en réalité qui a le sens de le blâme. Dhem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il blâme les gens qui vont faire ça. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre, donc, encore une fois, pour répondre à certains égarés, que le shirk dans cette umma s'est produit et va encore se produire. C'est-à-dire que des gens qui sont rentrés en islam, qui se sont attribués à l'islam vont commettre le shirk akbar, puisque ils vont commettre ce qu'ont fait les gens d'avant nous, les juifs et les chrétiens, et entre autres prendre les tombes comme Wathan, comme le prophète sallam il invoqua Allah azawajal peu avant sa mort, Allahumma la taj'al qabri Wathanan yu'bad, Allah ne fait pas de ma tombe une idole adorée en dehors de toi. Ou on verra ça vient dans les chapitres suivants. Mais ce qui est sûr, c'est que le shirk va tomber, il tombe, et on sait que les sortes de shirk aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'Ummat al-Ijaba, des gens qui ont le muntasibin, il a l'islam, des gens qui s'attribuent à l'islam et qui commettent toutes sortes de formes de shirk akbar, qui fait de murtaddin ou. Allahu alam, masalatun ukhra. Est-ce qu'ils sont des kafirun asliyun, murtaddin, chez akhar. Au fil khawf min, c'est-à-dire la peur de tomber dans le shirk. Une fois qu'on sait que cette umma, il y a des gens qui vont tomber dans le shirk et l'akbar, la peur du shirk. Ça revient à quoi? Au chapitre qu'on a vu, le khawf min shirk, et la parole d'Ibrahim. On avait vu que Ibrahim alayhi salam, il avait peur pour lui et pour ses enfants du shirk. Lui, Khalilullah. Mais lorsqu'on sait que le prophète sallam il a annoncé que le shirk va se produire dans cette umma, on doit prendre garde. Et on doit, ce que nous enseigne le hadith, On doit apprendre notre religion et on doit savoir ce qui rentre dans l'ibada, ce qui ne rentre pas dans l'ibada. Ce qui rentre dans l'ibada, on doit le vouer à Allah Azza wa Jal seul et on doit s'écarter de donner cette adoration à un autre qu'Allah Jalla wa Ala et de tomber dans le shirk sans le savoir. Ne sachant pas que cette parole ou tel acte rentre dans l'adoration. Il dit que, aussi, il nous dit le shirk, qu'une personne, elle peut considérer ou penser un acte ou une parole comme étant du bien, par lequel il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en réalité, c'est quelque chose qui rentre dans l'adoration, dans le shirk, et dans l'adoration pour un autre qu'Allah, dans le shirk, et ça l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça le fait rentrer dans les alliés du shaitan. Et on trouve aussi l'interdiction de ressembler aux gens d'avant nous, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tarakabunna sanana sunana man kana qablakum. Vous allez suivre la voie des gens d'avant vous, mais comme on a dit, ala wajhi dhamm. C'est-à-dire, pour ça, il a visé quoi ici? Le blâme. C'est un blâme, il blâme les gens qui vont faire ça. Donc, ça nous montre quoi? L'interdiction de suivre la voie des gens d'avant vous. À part ce qui est conforme évidemment à notre législation, à nous. S'il y a un point commun entre notre législation et législation d'avant nous, évidemment, on fait cette chose-là, on dit cette chose-là, mais avec l'intention de suivre l'ordre d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi que ce que Allah Jalla wa ala, ou ce par quoi, ou ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les Juifs et les chrétiens, c'est valable pour nous. C'est valable pour nous. Eux, ils ont commis la bid'a. Eux, ils ont commis le shirk. Eux, ils ont désobéi à Allah. Eux, ils ont désobéi à leur messager. Tous, ça, c'est valable pour nous aussi. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde, ou lorsqu'Allah jalla wa ala, il met en garde, ou il dénonce dans le Coran, ou il décrit ce qu'ont fait les juifs, les chrétiens et les mouchrikines, et les juge comme des mouchrikines, ou des fasiqin, ou des zalimin, ou toutes sortes de noms qui, comme on a déjà dit, qui rentrent dans l'asma shar'iyya, qu'Allah Jalla wa Ala, il a employé dans le Coran, toutes ces choses-là, elles sont valables pour les musulmans. Et de la même manière, tous les textes, ça on le reverra, Inch'Allah, durant le livre, tous les textes qui ont été révélés, dont la cause de révélation a été les juifs, les chrétiens, les mouchriquins de Quraysh, ou le munafiqin fil Medina, lorsqu'un texte qui a un sens général est révélé pour une cause bien précise, qu'il concerne un groupe de gens bien précis, ça ne veut pas dire que ce texte-là n'est valable que pour eux. On sait aussi que ça, c'est une part de leur argumentation, de l'argumentation de l'Murji'a, de l'Jahmiya aujourd'hui, que tel texte, il est descendu concernant les Juifs. Celui qui ne gouverne pas avec ce qu'Allah, ou qui ne juge pas avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, voilà les mécréants. Ah, mais ça a été descendu sur les Juifs. Ça ne concerne pas les musulmans, ça a été descendu sur les Juifs. Or, le texte, il est global. Il englobe n'importe qui fait cet acte-là. Comme on dit, c'est-à-dire que ce qui est pris en considération, c'est la globalité des mots, du sens des mots, et c'est pas le sebeb, c'est pas la cause pour laquelle ces mots-là ont été révélés. Mais on verra ça, inchallah, plus en détail. Et il termine ce chapitre-là en disant: لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا أبي بكر ولا غيره ولا فعله التابعون مع قادتهم في العلم والدين وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقابرة فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة وعدم تحقق الصلاح فإنه ليتحقق إلا بالصلاح القلبي ولو ظننا صلاح الشخص فلا نأمل أن يختم له بخاتمة سوء ولأنه لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها سدا للذريعة الشرك بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منباره صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، وذكر أنه وذكر أنه لما رأى عطاء فعله ولم يأخذ عنه العلم. Là ici il parle sur التبرك. ما التبرك يعني الحسي، le fait de rechercher la bénédiction de quelque chose en ayant un contact avec, en le touchant ou en... Donc là il dit que les compagnons n'ont jamais fait ça avec un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récupéré l'eau avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ses ablutions et l'utilisait, ou même lorsqu'il crachait, subhanallah, il récupérait ça, il se frottait le visage avec, ou ses cheveux, même sa transpiration, c'est ramené que... J'ai déjà lu que dans c'est le cas d'Ayad, il rapporte dans Shifa, je sais pas si la chaîne est authentique, mais qu'il y en a certains qui utilisaient la transpiration du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parfum, subhanallah. Ou une de ses esclaves qui a bu pendant la nuit, qui a bu de l'urine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu alam bi l'authenticité de ces informations-là. Le cas d'Ayad, il rapporte pas mal de choses dans Shifa, mais il y a des choses qui sont da'ifa. Mais le muhim, on sait que ça c'est quelque chose qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son vivant. Et que les compagnons n'ont pas fait ça avec les plus grands alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala après le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Abu Bakr wa Omar. Ils n'ont jamais fait ça avec eux. Et les tabi'in n'ont pas fait ça avec leurs chouyour parmi les sahaba. Donc ça c'est quelque chose qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, et on ne peut pas associer quelqu'un d'autre dans ces mérites-là ou dans cette bénédiction-là, ce qu'ils appellent le barakat al-hissiya, quelque chose, la baraka, yani, quand tu vas toucher. On a même dit que le fait de toucher la pierre noire, on ne tire pas une bénédiction, yani barakat al-hissiya, on ne tire pas une bénédiction directement de la pierre noire. La baraka, c'est, comme ils appellent ça, barakatun ma'anawiya. C'est-à-dire, la baraka, elle est où? Elle est, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a touché, il l'a embrassé. Toi, tu le fais. Et par cet acte-là, tu vas être récompensé à Allah parce que l'élite tiba'a. Parce que tu as suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas parce que baraka hissiya, parce que tu as touché la pierre et que fiha baraka il akhiri. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ça, c'est quelque chose qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant sa vie. Bon, il dit aussi que même, admettons que si quelqu'un il fait ça avec son cheikh, il ne sait pas si ce cheikh-là, c'est quelqu'un des gens du salah. C'est pas si quelqu'un des gens de la piété, quelqu'un qui est vraiment vertueux dans son cœur, Allahu alam. Autant il n'y a aucun doute sur l'envoyé d'Allah, il est l'envoyé d'Allah sur sa piété, sur ce qu'il était, que le shir foulen ou allen, on n'en sait rien et on ne sait pas sur dans quel état il va être à la fin et sur quoi il va terminer sa vie, etc. Bon, il cite d'autres sebeb. Il y a eu une divergence à l'époque entre les fuqaha sur le fait de toucher le minbar durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني وضع اليد على منبره لما كان موجودا. Le fait de toucher le minbar, lorsque le minbar il était encore dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de toucher le minbar, les fuqaha, ils ont divergé. Ils disent tenaza al fuqaha. Et l'imam Malik, c'est-à-dire dans le fait de toucher le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était encore dans la mosquée. Le minbar, c'est-à-dire, pas le prophète. Et l'imam Malik, il a dit que c'était quelque chose de répréhensible, le makruh, que c'était une bid'a. Et il dit qu'il est rapporté qu'il a vu Ata faire cette chose-là, et à partir de là, il s'est écarté de lui, il lui a plus demandé, il a plus pris l'ilm de lui. Comme quoi, ça montre que les salafs, ils étaient vraiment durs envers la bid'a et envers le mubtadi'. Quelque chose qui n'était pas légiféré, qui était fait, c'est qu'ils étaient vraiment durs sur les gens de la bid'a et sur Hajr, ahl al-bid'a, le fait de s'écarter des gens de la bid'a et de ne pas prendre l'ilm des gens de la bid'a et encore moins des gens du shirk. Et il termine en disant وقال يعني رواه الترمذي وصححه. Donc, l'imam al-Tirmidhi, il a rapporté ce fameux hadith de Dhat al-Wad. Comme on l'a dit au début, il y a certains ulama qui voient des faiblesses dans le hadith, mais la majorité des ulama disent que c'est un hadith qui est sahih. Et encore une fois, même si c'était le cas, on évite de répondre aux gens de la bid'a et de l'égarement sur ce genre de choses, sur l'établi, est-ce que le hadith il est établi, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il est sahih ou non, puisque ça laisse l'ihtimal. Ça laisse la possibilité que le hadith il est sahih et donc que ça laisse la possibilité d'utiliser ce hadith à des fins qui sont leurs fins à eux, c'est-à-dire à prouver des choses à la base qui sont fausses. Et dans ce chapitre du filbab, عن أبي سعيد وأبي هريرة وراه الإمام أحمد وأبو يعلى بن أبي شيبة والنسائي بن جرير وابن المنذر وابن إسحاق بن عيينة ابن أبي حاتم الطبراني وغيرهم بنحو استدير لا بارتي و النبي صلى الله عليه وسلم لا تركبن سنن من كان قبلكم. Ce hadith là il a été rapporté dans le Sahihain, comme on l'a vu avant, le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, le hadith d'Abu Huraira, etc. Il a été rapporté par d'autres a'imma. Donc on arrête avec ce chapitre-là. Donc le chapitre de celui qui recherche la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre. Que celui qui recherche la bénédiction d'un autre qu'Allah Subhanahu wa ta'ala, ça se divise en deux sortes, shirk al-akbar, donc en donnant l'adoration à un autre qu'Allah, ou bien shirk asghar, comme on l'a vu, ou bien quelque chose qui n'atteint pas le shirk, mais qui est de la bid'a, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah Azza wa Jal auprès ou à certains endroits bien précis qui ne sont pas légiférés. Et donc c'est une bid'a en soi-même, et c'est, comme on l'a dit, un chemin qui mène vers le shirk. C'est-à-dire, c'est comme ça que les adorateurs de tombes ont adoré les tombes. Ils ont commencé à fréquenter les tombes, à adorer Allah Azza wa Jal auprès des tombes, à faire les salats auprès des tombes. Le Prophète sallam dit, la tattakhidhu qabri masjida. Ne prenez pas ma tombe comme lieu de prière. Parce que tout ça, c'est des voies qui ont mené les gens par la suite à s'adresser. Au lieu de s'adresser à Allah Azza wa Jal dans leurs adorations, ils ont commencé à s'adresser directement aux morts. Donc, saddan li dhara'i' al-shirk, comme ils disent, pour bloquer les chemins qui mènent au shirk. Et ça rentre aussi dans, comme on l'a vu, teshabbuh bi al-mushrikin ou teshabbuh bi al-kuffar, dans le fait de ressembler aux gens de la mécréance. Et dans leur ressemblance, il y a un mal. Soit un grand mal lorsqu'il s'agit du shirk, soit un mal moindre quand il s'agit de leur ressembler. Et une faïda qu'on avait déjà cité, Cheikh Lassem Taimiyah, rahmahullah, c'est quelque chose qui est important dans notre vie au quotidien, c'est que la ressemblance au mushrikin dans l'apparence, ça, avec le temps, ça a un effet sur le cœur. C'est-à-dire, celui qui ne s'écarte pas des mushrikin en évitant de leur ressembler dans l'apparence, avec le temps, ça a un effet sur son cœur et ça peut entraîner un teshabbuh, le fait de leur ressembler, c'est-à-dire fil batin, dans le cœur, c'est-à-dire en agréant certaines choses qu'ils font, ou en adoptant des croyances qu'ils avaient, etc. On va arrêter avec là, Inch'Allah Ta'ala. La prochaine fois, on rentrera dans une autre adoration, dans quelque chose qui annule aussi l'islam. La base de l'islam, c'est الذبح لغير الله تعالى. Le fait de sacrifier الذبح القربان. Le fait de sacrifier un animal pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on arrête là avec ce chapitre-là. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.